sa fonction d'onde probabiliste à deux états superposés et nous permet pas d'affirmer qu'il a ou non bien explosé tant qu'on ne l'a pas observé. Thank you.